ce soir pour te lever. Nous sommes là ce soir pour t'adorer. Nous sommes là ce soir pour adorer celui qui est, celui qui était, celui qui est et qui sera. Tu ne changes pas, Yahweh. Tu ne mens jamais, Jésus. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Celui qui a les paroles de la vie, c'est toi. Celui qui a les paroles de la vie, c'est toi. Acquérions-nous, Seigneur Jésus. Acquérions-nous, Seigneur Jésus. Père, nous élevons nos voix pour t'adorer. Père, nous élevons nos voix pour t'exalter. Père, tu es celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin que devant toi, tout genou fléchit et que tout le monde confesse que tu es Seigneur. Parce que tu es Seigneur. Oui, parce que tu es le roi de gloire. Oui, parce que tu es le roi tout-puissant. Oui, le Dieu tout-puissant. Celui qui rend les choses qui étaient impossibles devenir possibles. C'est toi, Père. Voilà pourquoi nous te chantons ce soir. Voilà pourquoi nous te chantons ce soir. Magnifique. Sois béni. Ubarikiwe. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Tunajipana kwako, Bwana. C'est le motif de notre vie. Unakuwa chanzo yetu ya maisha yetu. Il n'y a que toi, Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Encore un moment merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Nzuri tena ya kuwa muwepo wa Bwana. Pour écouter sa parole. Juu ya kusikia neno lake. Et je vais enseigner ce que j'ai commencé dimanche. Taweza kufundisha ambayo tuliweza kuanza mchuma. Nous sommes dans 1 roi chapitre 3 verset 27. Tuko mwafalme wa kwanza mstari wa 3. On peut nous mettre sur la 3 mstari wa 12. On peut nous mettre ce verset. Panisipokea kule usomi. 1 roi chapitre 3. Wafalme wa kwanza sura yake ya 3. Le verset 27. Mstari wa 12:7. Non, ce n'est pas ça. 1 roi chapitre 3. Wafalme wa kwanza sura yake ya 3. Ok. Et le roi prenant la parole dit. Ipo mfalme akachukua sauti akisema. Donnez à la première l'enfant qui vit. Mpe wa kwanza mtoto huyo anakuwa uhai. Et ne le faites point mourir. Na eti msiweze hata kumua. C'est elle qui est sa mère. Ndiye yeye mama yake. Ne le faites point mourir. Musiweze hata kumuua. C'est elle qui est sa mère. Ndiye yeye mama yake. Donnez à la première. Mumupe huyu wa kwanza. L'enfant qui vit. Mutoto ambaye aliyo hai. Donnez à la première. Mumupe huyu wa kwanza. C'est qu'il y avait une décision et un choix du roi. Ni kusema kulikuwa mpango na uchaguzi wa mfalme. Il y a un choix. Kuna kwa uchaguzi. Il y a des décisions du roi. Kuna kwa mipango ya mfalme. Mais qui sont motivés. Ile inaweza kutilia tanguvu. Qui sont motivés. Inatiliwa nguvu. Non, qui sont justifiés. Inaweza kuwa na uwaki. Voilà. Donc, il y a des choix et des décisions du roi qui sont motivés. Kuna kwa mauchaguzi ile inaweza kuwa na uwaki. En faveur de l'un ou de l'autre. Kutokea kwa mwingine hata kwa mwingine. Parfois nous pensons que Dieu c'est la grâce, il n'y a pas de motivation. Mara mingi tunafikiria kusema Mungu ni neema hakuna hata ile kuchagua. Et nous voulons étudier la parole de Dieu. Na tunapenda kujifunza neno la Bwana. Je vais essayer d'aller lentement parce que c'est sept principes que je vais donner. Tutaenda kwa utaratibu karibu ni makanuni saba ambayo tutaweza kuleta. Je ne vais pas les terminer aujourd'hui mais on les terminera quand on les terminera. Na vile tutaweza kuisha tutayaisha paka vile. Les sept principes. Makanuni saba. Pour refuser la mort ou éloigner la mort dans des domaines de notre vie. Juu ya kukatala lufu mu aina yetu yote ya maisha. Les sept principes ou, les ou quelques principes ata makanuni chache pour refuser la mort dans certains domaines de notre vie. Juu ya kukatala ata lufu mu aina fulani ya maisha yetu. Et j'aimerais que nous soyons attentifs à ce que la parole nous dit, ce que l'esprit nous dit. Na napenda tuwe watiifu kwa ile roho itatuambia. J'étais en train de réfléchir et de prier pour voir comment continuer le travail qui a commencé dimanche. Pasteur wanza kuomba na kufikiri gisi kana naweza kumaliza kazi ilianza mjuma. Et pendant que je réfléchissais, il y a une pensée de Dieu qui m'est venue et nous allons prier pour ça. Na wakati alianza kufikiri wazo ya Mungu iliweza kumfikia na tutaweza kuombea ile. Nous allons prier et arrêter la mort sur les jeunes filles, les jeunes sœurs, les jeunes mamans. Tutaomba jo kusimamisha lufu kwa vijana wanaume, vijana wanawake, hata vijana wa mama. Aujourd'hui c'est le 1er octobre. Leo ni tarehe ya kwanza ya mwezi wa 10. C'est le premier jour d'un nouveau mois. Na inakuwa ni siku ya kwanza ya mwezi mpya. Ce sont des jours où il ne faut jamais rater un culte. Ni masiku ambayo inafadhali takukua nje ya ibada inafadhali kuandaa. Ce sont des jours où il faut consacrer le mois. Ni siku ambayo inafadhali kumupa Mungu mwezi. Ce sont des jours où il faut faire certaines choses. Inakuwa ni siku ambayo inafadhali kufanya kubitu kadhalika. Et j'ai tenu vraiment à être là aujourd'hui. Na niweza kujifanya yote iwezekanavyo apate kufika hapa. Et le Seigneur nous fait grâce d'enseigner certaines choses. Na Mungu atufanya konema kwa kufundisha kwa vitu vingine. Dimanche nous avons vu qu'il y avait deux mamans. Mujuma turuweza kuona kulikuwa wanawake wawili. Deux femmes. Wanawake wawili. Qui avaient un problème. Walikuwa hata na tatizo moja. L'une a perdu son enfant. Mmoja aliweza kupoteza mtoto wake. Il y a un enfant qui est resté. Na mmoja wa mtoto aliweza atakubakia. Mais personne ne savait à qui appartenait cet enfant vivant. Sasa kwa wote wawili hakuna ambaye aliyojua mtoto huyo alikuwa ni wa nani. Alors, une des femmes est partie. Na mmoja wanamuke akaweza kwenda. Poser son problème chez le roi. Kwenda kupeleka hata tatizo lake kwa mfalme. Et le roi les a appelées toutes les deux. Na mfalme aliweza kuagiza wote wawili. Pour les écouter. Ili apate kuwasikia. Une a dit au roi. Mmoja alisema kwa mfalme. Cet enfant c'est le mien. Huyu mtoto ni wangu. L'autre a dit cet enfant c'est le mien. Na huyu mwingine akasema vio hivyo. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mfalme akasema nini ambayo inakuwa ikipitikana? Non, mon ami et moi. Akasema rafiki yangu na mimi. Nous étions toutes les deux dans une même maison. Alisema tulikuwa sisi wote wawili katika nyumba moja. Enceinte. Tulikuwa katika mimba. Personne ne vivait avec nous. Hakuna hata mmoja anaanza kuishi pamoja nasi. Nous vivions nous deux. Tunaanza kuishi sisi wawili. Moi, je me suis accouché. Mimi niliweza kuzaa. J'ai eu un fils. Niliweza kupata mtoto mwanaume. Trois jours après, L'autre aussi s'est accouché. Elle a eu aussi un fils. La nuit, elle a dormi sur son fils. Et son fils est mort. À cause de son erreur. Il y a des morts qui arrivent dans la vie. À cause de nos erreurs. Et quand on ne sait pas, on arrive au cimetière, on dit... C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ça c'est la formule de chez nous les Noirs. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Un bébé, un enfant, alors qu'il y avait erreur de la maman. Je remarque aussi que quand on fait une erreur dans la vie, on sait qu'on fait une erreur. Parce que la conscience est là. Même si quelqu'un s'entête, il sait qu'il a fait une erreur, qu'il fait une mauvaise chose. On ne peut pas tromper la conscience. Quand il se réveille, elle trouve que l'enfant est mort à cause de sa faute. Alors elle dit non, que je trouve une stratégie. Elle regarde son ami. Je ne sais même pas si je peux appeler ami, prenez ça comme ça. Elle regarde son ami. Anatazama rafiki yake. Son ami dort. Rafiki yake amekuwa amelala. Pendant que son ami dort. Wakati rafiki yake alikuwa katika usingizi. Anamuwazia vibaya. Il a pensé de mauvaises choses contre elle. Parfois tu ne sais pas. Mara mingi hujuake. Des gens autour de toi, à côté de toi. Watu wale wanakuzunguka. Conçoivent de mauvaises choses sur toi. Sans que tu le saches. Bitu bibaya, hata wewe kujua. Dieu peut te les montrer, c'est vrai. Mungu anaweza kutambulisha na kuonesha ndio. Parfois Dieu ne va pas te les montrer. Mara mingi asiweza hata kuonesha. Elle dort. Yeye amekuwa amelala. Elle prend l'enfant qui est vivant. Anachukua mtoto mzima. Elle arrache. Ananyanganya. Elle crée d'abord un vide. Anaacha kwanza utupu. Et puis, elle va prendre l'enfant qui était mort. Kisha anaenda kuchukua mtoto aliyekufa. Elle l'amène dans son sein. Anamweka katika kifua chake. Et puis, je suppose, anabeba na mkono, anamweka tena mtoto. Et là, on suppose que la prime même son bras, il a mis au-dessus de l'enfant. Cette maman dort toujours. Na mama alikuwa shakulala. La Bible ne nous parle pas de la position. Biblia aionyeshe hata hali ambayo alikuwa nayo. Que chacune avait prise. Ile wote wawili waliweza kuchukua. Je pense qu'il y a certaines positions que nous prenons dans la vie. Tunafikiria kusema ni mahali moto tunabeba kama maisha. Qui tue les grâces que Dieu nous donne. Iko na uwa manema ya Mungu ambayo anatupa. Il ne suffit pas d'être mère. Aitoshi tokuwa mzazi mwanamke. Il ne suffit pas d'être choriste. Aitoshi kuwa mwimbaji, d'être ancien, kuwa mzee, pasteur, kuwa pastori, femme mariée, kuwa mke homme marié, serviteur, mchungaji, mtumishi. Tu peux l'être. Unaweza kukuwa vile. Mais certaines positions que tu prends, lakini hali nyingine ile unakuwa kichukua, peuvent tuer le don que Dieu t'a donné. Inaweza kuwa hata zawadi Mungu ambaye aliweza kukupa. Dieu peut te donner un travail. Mungu anaweza kupa kazi mwa fulani. Dieu peut te donner de l'intelligence. Mungu anaweza kupa ko elimu. Je me rappelle, nous étions des étudiants. Pale pastor alikuwa mwanafunzi. Alionekana il y a des étudiants qui étaient exclus de l'université. Kuna wale wanafunzi waliweza kuwafukuza katika university. Très intelligent. Walikuwa wenye akili zaidi. Par rapport à la position qu'ils avaient prise. Lakini kulinganisha na hali ambayo waliweza kubeba. Lors de certaines manifestations. Waliweza hata kufanya hata matembezi mafulani. Donc je retiens une chose. Tunashika kitu kimoja. Faisons attention. Tukebeni ange. Aux positions que nous prenons. Kwa hali ambayo tunakuwa tukichukua. Il y a des femmes qui ont détruit leur mariage. Kuna wamama waliharibisha ukweli wao. À cause de certaines positions prises. Kwa ajili tu ya hali ambayo waliweza kubeba. Il y a des serviteurs qui ont détruit leur ministère. Kuna watumishi waliharibu huduma yao. À cause des positions prises. Kwa ajili tu ya hali ambayo waliweza kushika. Toi qui as le don de Dieu. Wewe unakuwa na zawadi ya Mungu. Quelle est la position que tu prends dans la vie? Ni hali gani ambayo unakuwa ukichukua mu maisha? Maman présidente, papa président, Maman présidente, papa président, ancien diacre, chemise, choriste, protocole, mari, femme. Tout commence bien un jour. Yote inaanzisha vema kabisa. Un bonjour, ça se gâte. Na kwa wakati mafulani comme ça inalabika yote. À cause de la position. Kwa ajili tu ya hali. Vous n'avez jamais vu, on avait la position moi quand l'amour que déjà Mukuru ile siku inaanza paka kuuma. Tu n'as jamais vu que tu te réveilles le matin avec la position que tu t'es endormi la nuit. Donc ce qui se passe sur le plan physique. Ile inaonekana kaka bubu mtu hivi. Se passe aussi sur le plan spirituel. Iko napitikana mu hali ya kiroho nayo. Donc je retiens déjà, parce que j'en ai pas parlé dimanche, la position que nous prenons dans la vie elle est très importante. Kusema hali ambayo tunashika mu maisha inakuwa ya muhimu kabisa. OK. L'enfant est mort. Mtoto amefariki. Ils arrivent chez le roi. Wanafika mbele ya mfalme. Comme je dis, dans la vie, on se demande si vraiment on est entouré de bons amis. Wanaanza kujiuliza sasa tunazunguka na warafiki wazuri. Tel que nous sommes là. Paka hivi tuko hapa. Si Dieu doit ouvrir le cœur de nous tous et projeter au tableau, pam. Kama Mungu anaweza kufungua mioyo yetu na kuiweka katika kibao. Pam. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des gens qui se lèvent là, qui ont les mains, qui ont les mains, qui ont les parce que nos cœurs, parfois, ne contiennent pas de bonnes choses. Bref, le roi dit, donnez-moi l'épée. Apportez-moi une épée. Et on va apporter une épée chez le roi. Et le roi dit, le verset 25, coupez en deux l'enfant qui vit. Coupez. Et partagez l'enfant. La moitié à l'une, la moitié à l'autre. Le verset 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit les entrailles. Hapa sasa mwanamke ambaye mtoto alikuwa wake akashikwa sana ile uchungu. Ne coupez pas l'enfant. Akasema msimpasue mtoto. Donnez-lui l'enfant. Mumupe mtoto. C'est-à-dire, nikusema si on lui donne l'enfant, kama banamupa mtoto, elle garde l'enfant qui est mort. Yeye ataweza kuchunga mtoto aliyefariki. Si on donne à l'autre l'enfant qui vit, kama banamupa u mwingine mtoto alio hai. Donc elle garderait. Yeye atachunga. Je parle conditionnel. L'enfant qui est mort. Atachunga mtoto huyu ashakufa. Le roi dit non. Ufalme akasema hapana. Prenez l'enfant qui vit. Mubebe mtoto aliye mzima. Donnez à la première. Mumupe huyu wa kwanza. C'est elle sa mère. Ni yeye ndiye mama yake. Alors que la mort était dans son sein toute la nuit. Na hivi huyu aliyokufa alikuwa katika kifua chake usiku mzima. Alors que la mort était dans son sein. Kusema mauti ilikuwa katika kifua chake. Toute la nuit. Usiku mzima. Il fallait le matin que le roi enlève la mort. Ifazali asubuhi mfalme apashe kutosha ile mauti. Et donne la vie à cette. Na alete uzima. Ma prière. Ombilete. Et que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyie konema dans nos vies, dans nos maisons. Dans na maisha yetu, dans na manyumba zetu. ce mois ici, imwezi, d'enlever toute forme de mort, kutosha aina yote ya mauti, que nous gardons en nous, ile tuko na chunga sisi, et que Dieu nous donne la vie. Na Mungu atupe uzima. C'est pourquoi je voulais parler de quelques principes pour refuser la mort dans des domaines de notre vie. Et chaque fois que vous garderez ces principes à l'esprit et que vous les appliquerez, vous pouvez réclamer la vie auprès de Dieu. Premier principe, on a lu ça. 1 Roi chapitre 3 verset 20. 25 à 26, on a lu. Mettez-moi le verset 20. Ok. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Verset 25-26, ça on a lu. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, « Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Vous voyez, vous sentez la méchanceté de cette femme. Verset 27. Et le roi prenant la parole dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. » C'est elle qui est sa mère. Principe numéro 1. Kanuni ya kwanza. L'innocence. Ata kutokuwa na kosa. L'innocence. Kutokuwa na kosa. Chaque fois que tu seras innocent dans ta vie, dans un problème, et que l'ennemi se coaliserait pour détruire ta vie, tu dois aller devant le roi et dire, Seigneur, je suis innocent. Le Dieu que nous servons, le Dieu vivant, il ne peut pas faire mourir le juste et le méchant. Le Dieu que nous servons, il connaît qui est innocent dans la vie. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Même si le monde se coalise, atakama ulimwengu mzima na dichanga, Dieu justifiera toujours. Mungu atasambia kila mara. Celui qui est innocent. Uli asina na kosa. Et quand tu es innocent dans une affaire. Na wakati hauna na kosa mkazi mafulani, biashara mafulani. Oh bien aimé, quand tu es innocent. Mufalme wakati hauna na kosa. Va devant le roi. Wende mbele ya mfalme. Dis Seigneur. Sema Bwana. Je n'y suis pour rien. Mie sina na kitu. Mais ce qu'il veut, lakini ile wanataka, c'est ma mort. Wanataka lufu langu. Je refuse cette mort. Nakatala ile lufu. L'innocent.